Chapitre 11. La culture de la nostalgie. La pression est énorme pour les Bleus. Ils ne sont rien par rapport à leurs futurs adversaires. Ils vont devoir se défaire des Qataris et des Russes, grands favoris de la compétition. En plus, seule une équipe passera ce tour pour rejoindre les demi-finales en Australie. Pour ces amateurs, c'est une chance incroyable. Ils ont grandi en regardant la déchéance du ballon rond tricolore. Les grandes heures françaises, ils les ont vues via des vidéos sur Internet, via des images d'archives. Pour eux, Zinedine Zidane n'est que le nom du stade situé à Marseille. Franck Ribéry n'est que le nom du trophée du pôle France Nord. Le Stade de France n'est qu'une enceinte pour des concerts, celle qui a vu, il y a 3 ans, un spectacle unique au monde. 3 heures de musique, avec les avatars de stars des années 1980, 1990, 2000 et 2010. Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Michael Jackson, ce fut exceptionnel. Mais la rencontre en 98 entre la France et le Brésil n'est qu'un lointain souvenir. En 2050, les gens sont nostalgiques et vivent pas mal dans le passé. Le grand plaisir des artificiers des images est de réunir l'impossible. Ainsi, nous avons pu voir les plus grands orateurs de l'histoire se passer le micro, en direct, à la télévision. Des scènes anachroniques pour faire rêver les anciens. Des films réunissant les plus grands acteurs de l'histoire. Mais également, malheureusement, des rencontres entre les plus grands monstres du passé. Faire du neuf avec du vieux a ses limites, mais le spectacle offert par la EA Sports Federation lors de la cérémonie d'ouverture fut du chocolat pour les yeux. Le but des jeunes joueurs est de faire partie de ce genre d'hommage dans 50 ans. Mais aujourd'hui, les héros du ballon rond n'existent plus vraiment. Le football est entré dans l'ère du ballon d'or Kleenex. Après les années 2020, chaque mois réservait une nouvelle star. Mais avec les éloges hâtifs de la presse et les transferts rétro-éclairs, la pression est très difficile à supporter. Les joueurs ne sont que des investissements, comme s'ils étaient cotés en bourse. Une contre-performance lors d'un seul match peut faire perdre de l'argent aux actionnaires. Les clubs ne misent plus sur une personnalité, mais sur la star de la minute. Rares sont donc les joueurs enchaînant les grandes prouesses 2 mois de suite. Difficile de graver son nom dans la roche et devenir une légende. C'est pour cela qu'aucun joueur, après l'ère Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, ne faisait partie de l'équipe de légende. Le but des Bleus n'est pas de devenir le nouveau Zidane, mais d'être la nouvelle France 98. Enfin, la France pense collectif. Chapitre 12. J-2 avant l'iceberg. Nous sommes à 2 jours du grand début du mondial pour les Bleus. Pour la première rencontre, l'équipe de France va affronter la Russie, les terrifiants Russes. L'équipe de l'Ouest a trempé dans les plus sales affaires, en s'en sortant toujours. Le président du pays souhaite absolument dominer tous les domaines. Ses principaux chevaux de bataille sont l'économie, l'armée et le sport. Mais sur le dernier point, c'est loin d'être gagné. Après avoir remporté les championnats mondiaux de basket, de handball, de football américain, la Russie était prête à enchaîner avec le football en 2048. Malheureusement, les Tsars ont chuté en finale face au Qatar. Les 16 joueurs ayant échoué ont été totalement radiés des sélections nationales, comme une punition de n'être allé qu'en finale. Les exigences russes sont strictes. Il ne faut surtout pas se mettre en travers. En 2038, un joueur russe avait décidé de quitter le football club Putingrad pour rejoindre l'Intal Blaugrana Club. Mystérieusement, celui-ci a disparu du jour au lendemain, sans faire gros scandale. Pour ce mondial 2050, la pression russe est énorme. En 3 semaines, la sélection a affronté 12 équipes afin de se préparer à devenir la meilleure sélection mondiale. Lors de ces 12 matchs, la Russie l'a emporté à 11 reprises. Le seul accroc a été un match nul, 1-1, gagné au tir au but, avec, à la clé, le départ précipité du portier russe après la rencontre. Il a été purement et simplement mis en exil. Loin de l'ambiance festive des Bleus pour la préparation de l'entrée en matière, l'entraînement russe est sous tension. C'est le président russe lui-même qui dirige, via Skype, les séquences de préparation. Mais à 2 jours du premier match, la Russie va vivre un énorme tremblement de terre médiatique. Et pourtant, c'est avec une énorme crainte que les Russes se présenteront sur le terrain qatari afin de ne faire qu'une bouchée des paysans français, cite le président russe. L'objectif est clair et net. Planter le drapeau russe sur Mars et être la première équipe à soulever la Coupe du Monde loin de la planète Terre. Et c'est cette pression qui est pointée du doigt par les joueurs. Pour la première fois, le capitaine russe va s'opposer aux exigences présidentielles. C'est une scène qui tourne en boucle sur les télés du monde, excepté la Russie qui a décidé de cacher le scandale. Le terrain d'entraînement est vide. Les 16 joueurs russes ont décidé de rester dans le bus. Un peu comme l'équipe de France à Knysna en 2010, les joueurs de l'Aigle bicéphale boycottent cette séance. En sanctionnant la totalité de ces joueurs, le président pourrait mettre en danger la Russie lors de ce mondial. Après 45 minutes de résistance, les joueurs sont sortis avec un t-shirt floqué « Liberté ». Un geste assez courageux dans ce climat, mais à quel prix ? Une occasion peut-être pour les Bleus. Chapitre 13. Un seul vainqueur. L'équipe de France se prépare tout doucement à ce match qui va être regardé par le monde entier. Le scandale des joueurs oppressés vient faire augmenter le challenge. Tout le monde va observer le comportement des personnes qui ont osé dire non au terrible tyran russe. La pression sera dans le camp adverse, mais la motivation sera décuplée pour la Russie. Ils voudront prouver que, libres et sans la pression de leur président, ils peuvent gagner. En cas de défaite, une génération sera sacrifiée et pourquoi pas un sport ruiné en Russie. La victoire des Bleus pourrait être un véritable électrochoc dans le monde géopolitique. Cela sera bien plus qu'un match, surtout qu'une défaite éliminerait presque le perdant avec ce système à 3 équipes avec un seul qualifié. À noter que dans les autres pays, c'est la même configuration. Les pays hôtes regarderont leurs invités. En effet, le Japon verra le Canada et le Brésil s'affronter. L'Inde observera les USA et l'Argentine. La Chine accueillera la rencontre entre le Royaume-Uni et la Corée du Sud. C'est un bel avantage psychologique, car le perdant de ce premier match aura fort à faire par la suite. Surtout dans la configuration actuelle où le match nul est interdit. Dans toutes les rencontres de poules, il doit y avoir un vainqueur. Si, après 90 minutes, il y a égalité, c'est la séance des tirs au but américains qui va attribuer le point de la victoire. Oui, car comme le match nul n'existe plus au football, dans toutes les compétitions, le vainqueur obtient 1 point, le perdant 0. En 2020, la FIFA avait décidé d'attribuer l'avantage offensif avec 1 point supplémentaire en cas de victoire par plus de 2 buts. Un système annulé par la EA Sports Federation depuis 2035, tout comme le match nul. EA Sports a réussi à uniformiser les grandes compétitions des sports majeurs des années 2050. Grand label de jeux vidéo, ils ont su subtiliser les énormes événements en développant ce qu'ils faisaient en virtuel. Le sport est dominé par la Air Force EA Sports, basketball, Ice Impact EA Sports, hockey sur glace, EA Sports Fight, sport de combat, Madden EA Sports, football américain, T-Wood EA Sports, golf, Racine EA Sports, sport mécanique, Crisis EA Sports, sport de tir, sans oublier les téléréalités, exclusivement calquées sur les Sims. En 2055, il a été convenu d'organiser les premiers EA Games, alliant les 7 sports ci-dessus, ainsi que le football. Cette compétition remplacera les Jeux Olympiques, dissolus en 2040. Si la France venait à redevenir une grande nation sportive, elle pourrait figurer parmi les éventuels invités à ces Jeux. Chapitre 14. Entrée en matière. 48 heures passent et le grand jour arrive. Les Bleus se sont entraînés dur, alors que les envies de rébellion se sont calmées côté russe. Discrètement, le brassard de capitaine a changé de bras et c'est désormais le portier qui mène ses troupes. Tout comme les 11 autres nations, ce sont les téléspectateurs qui décident des compositions. Mais comme ce n'est pas l'habitude de cette nation en 2050 de suivre un système démocratique, l'avis du président russe compte pour 50% des suffrages. Pour l'équipe de France, leurs entraînements diffusés en direct sur YouTube ont pu aider les membres de la communauté votante à choisir le bon 11 de départ. Donc vont débuter la partie Deal 48, Wolf 75, Coca pour gagner 0-2, Moon Forever, Benoît, Eric BH, Nabir 69, Blanc Bag, Grid 71, Riti 3402. 11 joueurs qui ont des allures de héros. Mais dans 2 heures, seront-ils toujours héroïques ou seront-ils humiliés par la terrible Russie? La préparation d'avant-match se fait dans un climat pesant. Nombreux sont les observateurs qataris venus épier le futur adversaire du tenant du titre. Peu de supporters français ont pu faire le déplacement, mais les Russes sont venus en nombre. Interrogé à ce sujet, Nabir 69 accuse le comité russe d'avoir ruiné leur nuit. En évoquant des bruits venant de l'extérieur de l'hôtel, une coupure d'eau et d'électricité, le Français trouvait bizarre que tout se soit enchaîné la veille de leur match contre la Russie. On pourra suivre les réactions de ce même Nabir 69, mais également d'Eric BH et Coca durant la rencontre. Même si le commentateur n'existe plus, le dispositif télévisuel a placé un micro sur 6 joueurs sélectionnés par le public afin d'avoir leur avis sur le match pendant les 90 minutes. Ce sont les internautes eux-mêmes qui poseront leurs questions à 3 Français et 3 Russes afin d'avoir leur réaction à chaud. Chapitre 15. Cruelle injustice. Le mondial 2050 peut débuter avec ce match entre la Russie et la France, avec l'engagement donné par les Bleus. À noter qu'au stade, nous pouvons suivre les autres rencontres sur les écrans géants, placés au-dessus de chaque tribune. Mais peu importe, les 300 000 observateurs présents au stade veulent voir ce duel entre le paysan français et le perfide russe. Ça débute mal pour les Bleus, puisque la Russie ouvre le score dès la 5e minute. Ça se corse pour l'équipe de France. Mais les attaquants, Dil 48 et Benoît, sont remontés comme des pendules et partent à l'assaut des cages russes. L'égalisation n'est pas loin, mais ils butent sur un excellent portier. La première période est devenue calme, puisque les Russes font tourner le ballon et se contentent de garder l'avantage. La mi-temps est sifflée, sur le score de 1-0 pour la Russie. Les observateurs qataris sont déçus, car ils auraient voulu voir leur vrai futur adversaire être malmené. Cela n'a pas été le cas, car Dil 48 et Benoît n'ont pas été capables de perturber la défense russe. C'est pour cela que les membres français ont voté la sortie de Benoît et l'entrée de Faitson. Juste avant d'entrer en jeu, le joueur tweet « Écrivons l'histoire, 45 minutes pour faire, de nouveau, rêver un pays. » Un message plein d'espoir. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir Faitson mettre à exécution ses paroles. Il frappe 3 fois au but en 5 minutes dès l'entame de la seconde période. Malheureusement, il tape 2 fois le poteau et 1 fois le très remuant gardien des Tsars. Juste après ce face-à-face, les 2 joueurs s'échangent 2 mots assez durs. Pour résumer, le portier promet que la prochaine fois, ça ne sera pas le ballon qu'il boxera. 65e minute, Wolf 75 lance Faitson en profondeur. Aveuglé par l'envie d'avoir le ballon, il ne regarde pas devant lui et ne voit pas qu'il fonce droit vers lui. Le gardien russe se dirige, point en avant, sur l'attaquant français, ne visant pas le ballon. Sa gauche atterrit sur la joue droite de Faitson, qui est désormais KO, au sol. Le ballon sort. Cette scène ressemble étrangement à l'attentat d'Harald Schumacher sur Patrick Battiston au Mondial 1992. Le doute flotte encore côté arbitral. Va-t-il siffler une faute et s'attirer les foudres de la famille russe? Il demande un arrêt de jeu. Durant cet arrêt de jeu, l'arbitre observe les images. Il sait qu'il y a faute et sans doute une expulsion du portier russe. mais il a peur des conséquences. À 25 minutes de la fin, siffler un coup franc dangereux, réduire la Russie à 10, pourrait menacer le reste de sa carrière, de sa vie. Il demande alors son joker. Pour ce mondial, les arbitres ont le droit d'utiliser un seul joker pour la compétition. Ainsi, il demande aux membres interactifs de juger, via un sondage, s'il y a faute ou non. Mais tout le monde est consulté, y compris les Russes.